12. Pour atteindre ses objectifs, la BCCI a profité à plein des trafics d'influence et de la politique de la porte-tambour qui se pratique aux États-Unis. Les relations politiques de la BCCI à Washington ont eu une importance réelle sur sa capacité à atteindre ses objectifs aux États-Unis. En embauchant des avocats, des lobbyistes et des sociétés de relations publiques pour l'aider à régler ses problèmes avec le gouvernement, la BCCI a suivi une stratégie qu'elle avait déjà utilisée avec succès dans d'autres pays du monde entier. Elle a embauché d'anciens membres du gouvernement. La BCCI est son noyau d'actionnaires capable de fournir une aide professionnelle à Washington, D.C. On comptait parmi les leurs à des époques diverses un ex-ministre de la Défense, Clark Clifford, d'anciens sénateurs et membres du Congrès, John Culver, Mike Barnes, d'anciens procureurs fédéraux, Larry Wexler, Raymond Bannon et Larry Barcella, un ancien employé de la Défense, William Rogers, un ex-aide de camp de la Maison-Blanche, Ed Rogers, un sous-directeur de campagne présidentielle, James Lake, et plusieurs anciens avocats de la Réserve fédérale, Baldwin Tuttle, Jerry Hawke et Michael Bradfield. La BCCI a en outre sollicité aussi l'aide de Henry Kissinger, qui a choisi de ne pas faire affaire avec la banque, mais a transmis la requête à ses avocats. À plusieurs moments clés du développement des activités de la BCCI aux États-Unis, l'influence politique et les contacts personnels de ceux que la banque avait embauchés ont été significatifs dans l'accomplissement des buts que la BCCI s'était fixés. Et ce, y compris lors de l'acquisition en 1981 par la CCAH, de la Financial General Bank Shares, ainsi que dans le traitement de l'arrangement passé entre la BCCI et la justice à Tampa en 1990 et la gestion de ses répercussions. Les relations politiques des avocats et lobbyistes américains de la BCCI ont joué un rôle critique dans l'obstruction des efforts d'investigation du Congrès et des enquêteurs américains entre 1988 et 1991, par des moyens divers comme le dénigrement des motivations et de l'intégrité d'enquêteurs et de journalistes, le refus de fournir des documents officiellement requis par la justice, et des pétitions faites au Capitole, dans le but de protéger la réputation de la BCCI et de décourager les efforts de ceux qui voulaient fermer la branche américaine de la banque. 13. La société de relations publiques embauchée par la BCCI a répandu des calomnies au sujet de ceux qui disaient la vérité sur leur travail pour la BCCI. Lorsque Hill et Knowlton ont accepté la clientèle de la BCCI en octobre 1988, les associés de la firme connaissaient la réputation de la BCCI comme une banque louche. Cela ne les a pas empêchés d'accepter. En 1988 et 1989, Hill et Knowlton ont épaulé la BCCI par une campagne déterminée de relations publiques visant à montrer que la BCCI n'était pas une entreprise criminelle et à donner la meilleure image possible aux inculpations faites dans l'enquête sur le blanchiment d'argent de Tampa. Pour cela, la firme a disséminé des informations d'une manière indéfendable et injuste et discréditer des personnes et des publications qui disaient la vérité sur les activités criminelles de la BCCI. Des renseignements importants fournis par Hill et Knowlton au Capitole, ainsi que d'autres fournis par la First American au contrôle bancaire en avril 1990, se sont avérés faux. Ces informations trompeuses donnaient une image fausse des positions de la BCCI, de la First American et de Clifford et Altman au sujet de leurs relations. Une image en contradiction directe de la vérité connue de la BCCI et de Clifford et Altman. La façon dont Hill et Knowlton représentaient la BCCI correspondait aux normes et aux pratiques standards du secteur des relations publiques, mais elle pose la question plus large du bien fondé de ces normes et pratiques du point de vue du bien public. 14. La BCCI a sollicité avec ardeur l'amitié de plusieurs importants personnages politiques américains et a payé ces personnes, y compris dans certains cas où ces paiements étaient probablement illégitimes. Après avoir commencé par Burt Lance en 1977, dont les dettes ont été réglées par la BCCI par un prêt de 3,5 millions de dollars, la BCCI, les sociétés nominées parties prenantes de la BCCI et les directeurs de la BCCI ont systématiquement cultivé des relations et amitiés avec d'importantes figures de la politique américaine. Il est de notoriété publique que ce fut le cas entre autres de l'ancien président Jimmy Carter, de Jesse Jackson et d'Andrew Young. Mais des renseignements reçus par le sous-comité suggère que le réseau de la BCCI s'étendait à plusieurs autres figures de la politique. Les paiements effectués par la BCCI à Andrew Young, pendant qu'il était officiellement en poste, ont toute l'apparence de paiements illégitimes. Au mieux, on peut les qualifier d'inhabituels. 15. Capcom, la filiale marchandise de la BCCI, a procédé aux États-Unis à des transactions, anonymes pour la plupart, portant sur des milliards de dollars, dont beaucoup représentaient du blanchiment d'argent à un haut niveau. Et ce, à la même période où Capcom s'employait à former des relations importantes avec des membres exécutifs importants de l'industrie américaine des télécommunications, ainsi qu'avec des figures du renseignement international. 16. Les enquêtes menées à propos de la BCCI sont encore incomplètes et de nombreuses pistes n'ont pu être suivies à cause du fait que le gouvernement du Royaume-Uni refuse de communiquer certains documents et du fait que le gouvernement d'Abu Dhabi refuse de laisser voir aux enquêteurs américains certains témoins et documents. De nombreuses transactions illégales auxquelles les clients de la BCCI ont pris part restent inaccessibles aux enquêteurs américains du fait de l'existence de lois sur le secret bancaire dans nombreuses juridictions, du fait des lois britanniques sur la sécurité nationale et du fait de la détention par le gouvernement d'Abu Dhabi de documents et témoins clés. Des documents au sujet de l'utilisation de la BCCI pour financer le terrorisme, pour soutenir la construction d'une bombe atomique pakistanaise, pour financer des ventes d'armes à l'Iran et autres dépenses associées, sont conservés sous scellés au Royaume-Uni par les services britanniques de renseignement. De nombreux autres éléments en rapport avec les activités frauduleuses de la BCCI, comme par exemple des hypothétiques listes de paiements effectuées à des personnalités politiques, restent hors d'atteinte des enquêteurs, mis sous clé à Abu Dhabi. Il reste de nombreuses pistes à explorer. Mais ce besoin ne peut pas être comblé sans que ne soient dédiées à cette cause des ressources additionnelles, qu'au jour d'aujourd'hui, aucune agence gouvernementale n'est en position de fournir. Parmi d'autres questions sans réponse, celle de la relation entre la BCCI et la Banco Nazionale del Lavoro. Celle de la prétendue relation entre feu William Casey, ancien directeur de la CIA, et la BCCI. La mesure exacte de la participation de la BCCI au programme nucléaire du Pakistan. La question de la manipulation des marchés des sécurités et des marchandises en Europe et au Canada. Les activités de la BCCI en Inde, y compris sa relation avec l'empire industriel de la famille Hinduja. Les connexions de la BCCI avec le trafiquant d'armes Sarkis Sarkanalian, avec le terroriste syrien Manzer al-Kassar, également trafiquant d'armes et de drogue, et avec d'autres trafiquants d'armes notoires. La question de l'utilisation par la BCCI de personnages importants dans l'affaire de la surprise d'octobre. Les rapports de la BCCI avec la Banque centrale de Syrie et la mission de commerce étranger de l'Union soviétique détachée à Londres. Son implication avec diverses agences de renseignement étrangères, les opérations financières des directeurs de la BCCI avec Charles Keating et plusieurs filiales et sociétés écrans de Keating, y compris la possibilité que des entités filles de la BCCI aient blanchi des fonds pour Keating, lui permettant de les sortir des États-Unis. Le financement par la BCCI de commodités ainsi que d'autres transactions pour le financier criminel international Mark Rich. La nature, la mesure et la signification exacte de la propriété d'autres institutions financières américaines d'importance par des figures politiques du Moyen-Orient. La nature, la mesure et la signification exacte des investissements financiers et immobiliers aux États-Unis par des actionnaires principaux de la BCCI. La vente de commerce et placements à Genève, filiale de la BCCI, au groupe turc Kukorova, propriétaire d'une entreprise mêlée entre autres aux ventes d'armes BNL à l'Iran. Le gouvernement d'Abu Dhabi ne devrait pas être autorisé à retenir ainsi des documents et témoins qui sont capitaux pour les enquêteurs américains. Cette attitude représente une menace cruciale pour la politique étrangère des États-Unis, pour ses actions dans le domaine des stupéfiants, du blanchiment d'argent et autres entreprises en matière de répression criminelle.